الحمد لله يهديكم في الحب لكم عيد أخوان أدرس بجامعة الرياض نعم donc il dit j'étudie à l'université de Riyad أدرس c'est le مضارع de درس c'est l'âge moi je l'ai oublié de dire avant c'est le مضارع de درس يدرس qui veut dire étudier نعم فيصل يقول في أي كلية تدرس dans quelle faculté ou section étudies-tu أدرس في كلية الهندسة نعم il dit j'étudie dans la section d'ingénierie هندسه c'est ingénierie c'est de là qu'on prend le mot مهندس d'ailleurs une هندسه طيب فيصل يقول في اي سنه تدرس en quelle sana en quelle année afwan étudies-tu je pense quel niveau il veut dire par là ادرس في السنه الثانيه il dit j'étudie en deuxième année فيصل يقول اتعرف المهندسه سلمان connais-tu l'ingénieur سلمان طبعا هو استاذي هو أحسن مدرس في الكلية. نعم. Il dit bien sûr. طبعاً ça veut dire bien sûr. C'est mon professeur. Il est le meilleur enseignant dans la faculté ou de la section. فيصل يقول من هؤلاء الفتيات الذين معك كأنهم إخوتك. Il dit qui sont ces jeunes garçons qui sont avec toi. On dirait tes frères. نعم هؤلاء إخوتي لي أربعة إخوات وثلاثة Il dit oui, ce sont mes frères. J'ai quatre frères et trois sœurs. Et ça, Yakoul. Aina yadrus haoulaï. Où est-ce qu'ils étudient? Amma ikhwati fa kulluhum yadrusuna bil jami'ati. Isa wa huwa akbar minni yadrusu fi kulliyati at-tabba. Tibbi. At-tibbi. نعم. وإبراهيم يدرس في كلية التجارة. تجارة. وإسحاق يدرس في كلية الآداب. وإسماعيل يدرس في كلية العلوم. وهؤلاء الثلاثة أصغر مني. وأما أخواتي فيدرسون في المدرسة. فيدرسنا في المدرسة المتوسطة زينب تدرس في السنة الأولى وسلمى تدرس في السنة الثانية وليلى تدرس في السنة الثالثة طيب سنعيد عبد الله يقول أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة دي donc أما لو traduit par alors Yanni, quand on dit Amma, c'est pour commencer à faire détailler. Vous voyez ? Donc là, on dirait plutôt. Donc. Non. Donc, mes frères, tous, Kulluhum, c'est tous, Yadrusuna, ils étudient à l'université. Isa, ou Akbar Minni, qui est plus grand que moi, Yadrusu Fikuliatib, il étudie dans la section de la médecine. Tib, c'est la médecine. Mais là, on prend le mot Tabib, d'ailleurs. Ou Ibrahim, Yadrusu Fikuliatil Tijara. Et Ibrahim, il étudie dans la section du commerce. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adab. Et Ishaq étudie dans la section littéraire. Wa Ismaïl yadrusu fi kulliyatil ulum. Et Ismaïl étudie dans la section ou la faculté des sciences. Je pense que c'est ulum shar'iyya, Allah a'lam, mais ils ne pas précisé. Wa ha'ulai thalathatu asghar minni. Et ces trois-là, les trois derniers, c'est-à-dire Ibrahim, Ishaq et Ismaïl sont plus jeunes que moi, plus petits que moi. Ou Amma al-Akhawat, et là, quand tu as commencé par Amma, quand tu viens là, le parti que tu veux détailler, tu dis Wa Amma. De toute façon, tu dis Amma Ana Khalil. Moi, je suis Khalil. Amma Anta. Fama Anta. Anta Akhuna Fillah. Tu vois ? Tu dis Wa Amma Anta, quand tu veux faire ton détaillé. Donc là, il dit, et quant à mes sœurs maintenant, ou les sœurs plutôt, Amel Akhawat, et quant aux sœurs, Fayadrusna fi El Madrasati El Mutawasita. Donc il faut que tu dises Wa Amma, et après, tu commences par un fa. Tu mets un fa sur la phrase qui vient après. Fayadrusna, donc elles étudient dans l'école, El Mutawasita, chaque fois. C'est le collège ou le lycée, à chaque fois je me. Chaque fois je. Je me...

أدرس أنا أكتب أنا أجلس طيب سأ حمزة دونك لو نافي كوا كلمة متكلم المفرد أنا الفعل المضارية كمص بها حمزة أنا أذهب le مخاطب مفرد مذكر يكمص بها ت أنت تذهب et le غائب مذكر مفرد يكمص بها يا هو يذهب et le même غائب مفرد جمع فو المذكر هم يذهبون طيب et le غائب مؤنث جمع c'est-à-dire le féminin pluriel il commence pareil par un ya et tu mets nous niso à la fin tu dis hunna et nisa yadhabna et le ghaib mufrad mouannas c'est-à-dire le l'absent féminin singulier s'il commence par un ta hiya tadhabu comme anta tadhabu ils s'écrivent pareil tous les deux naam khamisan il dit akmil jumal atiya bi wad kul wad fi'l mudali'in مناسب. Donc là, il faut que tu mettes un verbe au sujet, au présent qui correspond. Donc celui-là, Inch'Allah, tu vas le faire à la maison. Donc là, on a pris quoi ? On a pris avec Anna, on a pris avec Anta, on a pris avec Hua, on a pris avec Hum, on a pris avec Hunna, on a pris avec Hiya. طيب سادسا حول المبتدا في كل من الجمل الاتيه الى جمع دونك لا تو ميت المبتدا ان بلوريال سكي في كي فون دي ان دي ان ديكولي دي شوز دو بار لا سويت مثلا مون ريبيت مثال première phrase الطالب يدخل الفصل ليليف انتر دون لا كلاس كومون تي با دير الطلاب يدخلون الفصل نعم احسنت ثانيا الرجل ياكل الارز Donc l'homme mange le riz. El ouruz, c'est du riz, c'est le riz. El rijal yakuluna el ruz. Naam. Thalithan. El amilu ya'malu fil masna'i thaniya sa'at. Ou thamaniya thafouen sa'at. Donc l'employé travaille dans l'usine 8 heures. El ummal ya'maloun fil masna'i thamaniya sa'at. Thamaniya. Thamaniya sa'atin. Naam. Rabi'an. التاجر يفتح الدكان في الساعة الثامنة. Donc le commerçant ouvre le magasin à 8 heures. التجار يفتحون الدكان. Tu peux dire الدكاكين. الدكاكين. في الساعة الثامنة. نعم. خامسا الطبيب يذهب الآن للمستشفى. Donc le médecin va maintenant à l'hôpital. الأطباء يذهبون الآن إلى المستشفى. نعم. سادسا أختي تبحث عن المكنسة. Ma sœur cherche le balai. أخواتي يبحثن عن مكنستي. نعم. المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة. Donc l'enseignante entre dans la classe à 7 heures. المدرسات يدخلن الفصل الفصل في الساعة السابعة. نعم. ثامنا الطالبات تكتب الدرس. L'étudiante écrit le cours. الطالبات يكتبن نعم. الدرس. نعم. تاسعا زميلات أختي تعرف اللغة الفرنسية. Donc il dit la camarade de ma sœur connaît la langue française. تعرف c'est من عرف يعرف. C'est connaître. Zumalat. Zamilat. Zamilati. Zamilatu ukti. Ya'rifuna. La. Ya'rifna. Naam. Al-lughatul faransiya. Lughata. Al-lughatul faransiya. Naam. Ashiran. Bintu ammi tadrusu fil madrasati al-thanawiyya. Donc la fille, enfin, la fille de mon oncle paternel, ma cousine, quoi, étudie. Étudie au lycée, je crois. Banatu ammi yadrusna fil madrasati al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Al-thanawiyya. Sabi'an. Anis al-fa'ila fi kul min jumal atiya. Donc féminise, rend féminin le sujet dans toutes les phrases qui suivent. Mathalan, il dit Aina yadrusu akhuka ya Ali. Où étudie ton frère Ali? Donc là, on regarde yadrusu, il est où le fa'il? Il est là. Aina yadrusu akhuk. Nerfa'il. Enfin, le féminin c'est quoi? Aina tadrusu ukhtuka ya Ali. Vous voyez? Donc la deuxième phrase. Yashrabu abi al-kahwata. Mon père boit le café. Tashrabu ummi al-kahwata. Naam. Yal'abu at-tiflu ma ukhtihi. L'enfant joue avec sa sœur. Tal'abu at-tifla ma akhiha. Naam. طيب. رابعا يذهب الطالب الى المدرسه. L'étudiant ou l'élève va à l'école. تذهب الطالب الى المدرسه. نعم. اين يجلس المدرس؟ Où s'assoit l'enseignant? اين تجلس المدرسه؟ المدرسه. نعم. طيب بدي تعمل ما يلي. Il veut te faire comprendre justement, attention, que le مدرع, quand c'est anta, par exemple avec le fil zahaba, zahaba, on dirait, tu veux dire anta tadhabu avec un ta. Eh bien c'est pareil, hiya tadhabu avec un ta. Les deux ils se ressemblent. Seulement c'est quand tu lis la phrase que tu arrives à savoir si tu parles d'une femme ou si tu parles à un interlocuteur masculin. Yakul tasian, hawil el fil fi kulli min jumal atiya ila al mudari. Donc transforme le phrase, le fil, le verbe dans toutes les phrases au présent. مثلا انا ذهبت الى السوق. Donc il dit moi j'ai été au marché. Donc comment ça va être? انا اذهب الى السوق. Moi je vais au marché. Donc comme je l'ai dit, quand c'est انا في المدرية on met quoi? On met un hamza. انا اذهب. طيب طيب ثانيا غسل الولد الولد وجهه بالصابون. L'enfant a lavé son visage avec le savon. Donc au présent انا اغسل. Là tu mets la même phrase, même sujet, juste un mot présent. Moudawari. Ah. Yersilul waladu wajahu bi sabon. Naam, tamam. L'enfant lave son visage avec du savon. Thalithan. At-tullabu kharajou nel fasl. Les étudiants sont sortis de la classe. At-tullabu yakhrujou min al fasl. Naam, les étudiants sortent de la classe. Rabian. Bi ay jami'atin darasta ya Faisal. À quelle université as-tu étudié au Faisal? بأي جامعة تدرس يا فيصل؟ نعم. كان يستطيع تجدي أو فيصل. خامسا الطالبات دخلنا الفصل. Les étudiantes sont rentrées dans la classe. الطالبات يدخلن الفصل. نعم. سادسا لعبت آمنة مع أختها. آمنة a joué avec sa sœur. تلعب آمنة مع أختها. نعم. سابعا كتب المدرس الدرس على سبورتي. Donc le professeur a écrit le cours sur le tableau. يكتب المدرس الدرس على سبورتي. نعم. L'enseignant écrit le cours sur le tableau. ثامنا سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. Donc les étudiants ont interrogé le professeur sur beaucoup de questions. On posait beaucoup de questions au professeur. يسألون الطلاب. يسألون. لا. Il y a pas de nun. يسألوا. Ah, il reste toujours. N'oublie pas la règle qu'on est au début. Si le fa'il vient après, le verbe il reste au singulier. Tu veux dire يسألوا الطلاب. Non pas يسألون. Comme on dit pas ذهبوا الطلاب. C'est la même chose. Même au مدرع. يسألوا الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. نعم. تاسعا نزل الركاب من الحافلة. Donc les passagers sont descendus du bus. ينزل الركاب من الحافلة. Les passagers descendent du bus. عاشرا غسلت أمي الثياب. Ma mère a lavé les vêtements. تغسل أمي الثياب. نعم, ma mère lave les vêtements.